السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on est réunis ce soir inshallah pour continuer le résumé explicatif de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى, qui est l'explication résumée de Kitab al-Tawhid de l'imam Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab رحمه الله تعالى. Et on est arrivé au chapitre qui est Babun, ou bien Babu man sabba at-tahra faqad aza Allah. Et ces pages, pour les frères qui ont la même édition que moi, c'est page 339. Donc, l'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, il dit chapitre au sujet, ou chapitre de points si vous voulez. Celui qui insulte le temps aura porté préjudice à Allah ou aura causé du tort à Allah. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, inshallah, puisqu'évidemment, nul ne peut nuire à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ça va être clarifié dans un instant par Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Donc, Cheikh Al-Islam, en ayant rapporté ce chapitre, Cheikh Al-Islam, Muhammad al-Warab, rahimahullah ta'ala, il rapporte un verset. Il dit, « Wa qawlillahi ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namut wa nahya » وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ الْآيَةِ. On avait dit que le taqdir ici c'est comme dit Cheikh Al-Athaymi rahimahullah, أي أكمل الآية, c'est-à-dire je termine le verset jusqu'à la complétion du verset, jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire que le verset ici n'est pas cité dans son intégralité. Et donc chapitre, celui qui insulte le temps aura causé du tort, aura porté préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Cheikh l'Islam, comme on a dit, rapporte un verset, il dit, et la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, c'est page 339. Donc, et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr, jusqu'à la fin du verset. Justement, Cheikh Al-Fawzan, dans son explication, qu'est-ce qu'il fait? Il termine le verset, il rapporte la complétion du verset, il dit, Tamamul aya, wa ma lahum bidhalika min ilm, inhum. Il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, la complétion du verset est, selon la traduction du sens est, ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Al-Jathiyah 24. Et puis il dit, Munasabatu al-babi li-kitab al-tawhid. C'est-à-dire, quel est le rapport entre ce chapitre qu'on est en train d'étudier ici sur le fait d'insulter le temps et le livre d'unicité dont ce chapitre fait partie, qui s'articule avec les autres chapitres qu'on a vus depuis le début de ces cours. C'est le cours 47 aujourd'hui. Donc il dit أن السب الدهر يتضمن الشرك لأن السب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. Alors quel est ce rapport justement entre ce chapitre qu'on est en train d'étudier ici et ce livre de l'unicité dont il fait partie? Eh bien, Cheikh dit, حفظه الله تعالى, qu'insulter le temps inclut, yatadamman, inclut ou comprend, si vous voulez, l'association Allah Azza wa Jal. Car celui qui insulte le temps, s'il croit que le temps est lui-même un acteur en même temps qu'Allah, il est alors un mushrik, un polythéiste ou un associateur. Puis, comme on a son habitude, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il explique les termes de vocabulaire ici. Il dit, Ada Allah, haythu wasafahu bi sifat al-naqs. Ada Allah, il a porté préjudice à Allah ou il a causé du tort à Allah, comme on va expliquer dans un instant, inshallah. Mais Cheikh, il dit, en lui attribuant l'un des attributs d'imperfection. وَقَالُوا أي مُنْكِرُ الْبَعْثِ وَقَالُوا et ils dirent, c'est qui ici le sujet du verbe? C'est qui a dit, ils dirent? Eh bien, c'est-à-dire ceux qui dénient la résurrection, qui renient la résurrection. مَا هِيَا أي الْحَيَاتِ. Mahiya, c'est-à-dire que le pronom personnel ici, hiya, à quoi ça revient? Ici, ça revient à la vie. Hein? Elle naît, c'est-à-dire la vie. Illa hayatun ad-dunya, ay allati fi ad-dunya wa laysa hunaka hayatun ukhrawiyya. Illa hayatun ad-dunya, elle naît, c'est-à-dire cette vie, que notre vie d'ici-bas. C'est-à-dire celle qui est dans ce bas monde, il n'y a pas d'autre vie dans le-delà. Ça, c'est évidemment la parole de ceux qui rejettent et renient al-ba'ath, la résurrection. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ أي مُرُورُ الزَّمَانِ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّارِ. Et seul le temps nous fait périr, c'est-à-dire le passage du temps, le temps qui passe. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ. Ils n'ont de cela, c'est quoi cela, c'est-à-dire la parole. مِنْ عِلْمٍ أَيْ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا قَالُوهُ بِنَاءً عَلَى التَّقْلِيدِ وَالْإِنْكَارِ لِمَا لَمْ يَحُسُّ بِهِ وَلَمْ يُحِطُ بِعِلْمِهِ. Ils n'ont aucune connaissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune preuve à ce sujet. Et ils ne l'ont dit qu'en se basant sur l'imitation aveugle, le taqlid, et le rejet de ce qu'ils n'ont pas ressenti, et de ce qu'ils n'ont pas pu connaître de manière compréhensive. Maintenant, le sens général du verset. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار البعث أنهم يقولون ليس هناك حياة غير حياتنا الحاضرة لا حياة سواها يموت بعضنا ويولد البعض الآخر وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن والتكرر الليل والنهار فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن والظن ليس بحجة والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته. Quel est ici le sens général de ce verset? Cheikh Al-Fawzan, ce grand savant et noble savant, hafidahullah ta'ala, il explique cela en disant: Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, informe au sujet de Dahriya. C'est un groupe parmi les koufars, parmi les mécréants et ceux qui sont d'accord avec eux parmi les polythéistes arabes au sujet du déni de la résurrection qu'ils disent. Il n'y a pas d'autre vie que cette vie présente. Vous voyez, dans le mot dahriya, vous retrouvez le mot ad-dahr dont on parle plus tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre vie autre que celle-ci, c'est ça qu'ils disent. Certains parmi nous meurent, ça c'est leur parole, et d'autres sont engendrés. Il n'y a pas de cause à notre mort si ce n'est le passage du temps et la succession des nuits et des jours. C'est ça qu'ils disent. Allah Azza wa Jalla les a alors réfutés en ce qu'ils n'ont aucune preuve pour ce déni, pour ce rejet, si ce n'est les conjectures, alors que les conjectures ne sont pas des preuves. Ce qui incombe à celui qui nie quelque chose, c'est d'établir les preuves pour son déni, comme il incombe à celui qui affirme quelque chose d'établir les preuves quant à ce qu'il affirme. Puis Cheikh, il dit maintenant, comme on a vu le rapport entre le chapitre et le livre dont il fait partie, et bien maintenant on voit le rapport entre le verset et le chapitre dont ce verset fait partie. Il dit: مناسبه الايه للباب ان من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهريه في سبه وان لم يشاركهم في الاعتقاد. Le rapport entre le verset et le chapitre est que celui qui insulte le temps aura certes été l'associé au dahriya dans l'insulte du temps, s'il n'est pas leur associé dans la croyance. Ma yustafadu min al-aya. Quels sont les enseignements tirés de ce verset, de Sourate al-Jathiyah? Et Cheikh, il en a cité quatre ici. Awalan, ithbatu al-ba'thi wa raddu ala man ankarah. Eh bien, le premier de ces enseignements tirés de ce verset, c'est l'affirmation de la résurrection et la réfutation à l'encontre de ceux qui la dénient, qui la rejettent, qui la renient. Deuxième enseignement, ذَمُّ مَنْ يَنْسِبُ الْحَوَادِثَ إِلَى الدَّهْرِ. Le blâme fait à l'encontre de ceux qui attribuent les événements au temps. ثَالِثًا أَنَّ مَنْ نَفَ شَيْئًا فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالدَّلِيلِ عَلَى نَفِيهِ كَالْمُثْبِتِ. Quiconque dénie quelque chose est requis d'établir la preuve quant à ce qu'il dénie, et de même pour celui qui affirme quelque chose. رَابِعًا أَنَّ الظَّنَّ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْاِسْتِدْلَالِ فِي الْعَقَائِدِ. On ne se base pas sur les conjectures dans l'argumentation de la croyance, au sujet de la croyance. On continue dans ce chapitre. Donc, chapitre au sujet de celui qui insulte Dahr, le temps. On a vu un verset de Sourate Jathiyah. Et maintenant, Cheikh Islam Muhammad, ma'al-Wahab, rahimahullah ta'ala, il rapporte une autre preuve, qui est un hadith. Et il dit: وَفِي الصَّحِيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر أخرج البخاري ومسلم. Alors, qu'est-ce que veut dire ce hadith? Le Cheikh l'Islam lui rapporte, il dit, dans l'authentique d'après Abu Huraira, radiallahu anhu arda, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me porte préjudice ou me cause du tort, si vous voulez, lorsqu'il insulte le temps, alors que je suis le temps. Je fais se succéder les nuits et les jours. Et dans une autre version du hadith, n'insultez pas le temps, car Allah est le temps. Et on va voir ce que ça veut dire, évidemment, quand on dit que Allah est le temps. Justement, Cheikh Al-Fawzan explique, il dit Fis Sahih, ay Sahih al-Bukhari. Dans l'authentique, c'est-à-dire l'authentique d'Al-Bukhari. Yu'dini yatanaqqasuni. Il me porte préjudice, c'est-à-dire il me dénigre. Yasubbu ad-dahr, ay yadhummuhu wa yalumuhu, inda al-masa'ib allati tanzilu. Yasubbu ad-dahr, il insulte le temps, c'est-à-dire qu'il le blâme, il lui fait du reproche. Lorsque les calamités arrivent, se passent. Wa ana ad-dahr ay sahib ad-dahr wa mudabbir al-umur allati yansibunaha ila ad-dahr. Wa ana ad-dahr, alors que je suis le temps. Là maintenant on a le sens ici, c'est-à-dire celui qui possède le temps. Et celui qui gère les affaires que attribue au temps. Uqallib al-layla wa an-nahar بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. أقلب الليل والنهار. Je fais se succéder les nuits et les jours, en se faisant suivre les uns les autres, ainsi que ce qui s'y passe comme bien et comme mal. وفي رواية أي لمسلم وغيره. Et dans une autre version de ce hadith, c'est-à-dire rapporté par Muslim et d'autres. فإن الله والدهر. Car Allah est certes le temps, c'est-à-dire celui qui fait s'y passer ce qu'il veut, comme bien et comme mal. Ay huwa alladhi yujri fihi ma aradahu min khairin wa shar. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, quel est le sens général de ce hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu arda? Eh bien, Cheikh Al-Fawzan il dit, hafidhahu Allah ta'ala, yarwi al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam al-rabbi azza wa jal, anna alladhi yasubbu al-dahra. C'est يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص لأنه سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. Donc ici le sens général du hadith, quel est-il? C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte de son Seigneur que celui qui insulte le temps lors des calamités et des choses détestables, il ne fait qu'insulter Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, et lui porter préjudice, comme on a déjà expliqué, en le dénigrant. Car c'est Allah seul qui fait ces choses, que ces choses se passent et arrivent, alors que le temps n'est qu'une création d'Allah Azza wa Jal, mise à disposition et un temps au cours duquel les événements se passent, par ordre d'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Quel est maintenant le rapport entre ce hadith et le chapitre qu'on est en train d'étudier? Il dit le cheikh hafidhahullah ta'ala, munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi anna man sabba ad-dahra faqad aada Allah ay tanaqqasahu. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith que celui qui insulte le temps aura certes porté préjudice à Allah, c'est-à-dire l'aura dénigré. Wal'iyadu billah. Les enseignements tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan tahrimu sabbi ad-dahr. Bien, la première chose, c'est le caractère illicite d'insulter le temps. Thaniyan wujub al-iman bil qada'i wal qadar. L'obligation de croire en la prédestination. Thalithan anna ad-dahra khalqun musakharun. Le temps est une création mise à disposition. Rabi'an anna al-khalqa قد يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه. Voilà, c'est ça ici que on voulait parler tout à l'heure. C'est important de bien comprendre ça. Quand on te dit cause du tort, on traduit aide Allah par cause du tort, mais ça, on peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, comme le chéri l'a dit ici, c'est-à-dire que la personne qui fait ça, eh bien, il dénigre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza rien ne lui nuit subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, et écoutez bien cette phrase, il se peut que les gens causent du tort à Allah, ou comme on a traduit en français, portent préjudice à Allah, ou causent du tort à Allah, en le dénigrant, mais ils ne peuvent ne lui nuire en rien, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important de garder bien en tête, et c'est pour ça que le français c'est un peu dangereux par rapport à l'arabe ici, donc faites bien attention à ça. Nouveau chapitre, باب تسمي بقضاء عفوا بقاضي القضاة ونحوه. Mais c'est un chapitre aussi important qui touche à une affaire parmi les affaires de l'unicité. Et c'est le chapitre au sujet de se nommer, ou de se donner le titre, de juge des juges. Ou autre dénomination similaire. Et justement, il dit, le Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, « Fi sahih an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqal, إن أخنع اسمٍ عند الله رجل تسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. في الدين الشيخ الإسلامي في قوله أخنع يعني أوضاع. Et dans l'authentique d'après Abu Huraira, qu'elle allégrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus misérable, akhna', des noms auprès d'Allah, et qu'un homme se nomme le possesseur des possesseurs. On peut traduire ça aussi par le roi des rois. Nul possesseur ou nul roi en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Soufiane dit comme, shahan shah, c'est une expression qu'on va expliquer plus tard, shahan shah. Et dans une autre version de ce hadith, le plus détesté et le plus mauvais des hommes auprès d'Allah le jour de la résurrection. Donc sa parole qu'on a dit « akhna' » et le Cheikh l'Islam, il explique lui-même, il dit, ça veut dire « awda' », hein, le plus méprisable. Cheikh al-Fawzan explique cela en disant « Munasabatu hadal bab li kitab al-tawhid ». Quel est le rapport entre ce chapitre et le livre d'unicité dont ce chapitre fait partie ?« Bayanu an at-tasammi bismin fihi musharakatu lillahi azza wa jal fi at-ta'zim » Shirkun fi ar-rububiyyah. Le rapport entre le chapitre, ce chapitre qu'on est en train d'étudier ici, et le livre de l'unicité, est la mise en évidence que le fait de se nommer par un nom dans lequel il y a une association à Allah Azza wa Jal dans la glorification, est une association à Allah dans sa seigneurie. Alors ici, la cité Soufiane, eh bien, la biographie ici, At-Tarajum Soufiane, huwa Soufiane ibn Uyayna. C'est Soufiane ibn Uyayna ici. Ibn Maymoun al-Hilali, thiqatun hafidun faqih. ولد بالكوفة سنة السابعة بعد مئة هجرية وسكن مكة ومات فيها سنة ثمان وتسعين بعد مئة هجرية رحمه الله تعالى. سفيان سكي سفيان يسي سفيان grand imam qui s'appelle سفيان ابن عيينة بن ميمون الهلالي un digne de confiance ثقة حافظ et jurisconsulte فقيه. Il est né à الكوفة en 107 de l'Égypte. Il résida à la Mecque رحمه الله et il mourut en 198 de l'Hijr, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wanahwuh, ou plutôt ici, wanahwih, ay nahwu qadi al-qudat, mitl al-hakim al-hukam, wa sultan al-salatin, wa sayyid al-sadat. Parce qu'on a dit tout à l'heure dans le chapitre, c'est se nommer le juge des juges, se donner ce titre-là, ou toute autre dénomination et titre similaire. Et justement, j'ai dit wanahwih, et d'autres noms similaires, c'est-à-dire similaire au juge des juges, comme par exemple le fait de dire le dirigeant des dirigeants, ou le sultan des sultans, ou le leader des leaders, etc. Wa fi sahih, on a dit c'est ay fi sahihain ici. Ce qu'il faut comprendre dans sahih, c'est sahihain. Dans l'authentique, c'est-à-dire dans les deux authentiques, al-Bukhari wa Muslim. Yusamma mibniyun al-majhul, ay yud'a bidhalik wa yarda bihi, wa fi ba'd ar-riwayat تسمى كم يسي تسمى بالتاء أي سمى نفسه بذلك إن دي فرنسا لانجارد مي لي دو اكزيست شيخ لي سي حفظه الله تعالى يسمى il est appelé mais dans certaines riwayats c'est تسمى il s'appelle lui-même il se donne lui-même le titre donc il dit il est appelé يسمى c'est une figure passive c'est-à-dire qu'il est appelé de cette manière et lui agrée cela il est satisfait de cela dans certaines versions c'est تسمى avec la lettre تاء. Et alors à ce moment-là, c'est qu'il se nomme lui-même, il se donne lui-même ce titre-là. Donc la première version, c'est quand il est appelé comme ça, mais lui, il est satisfait de cela, il agrée cela. Et l'autre, c'est que lui-même se donne, wal'adou billah, se donne ce titre-là, ou un de ces titres-là. Al-amlak, jam'u malikin bi kasri lam. Al-amlak, c'est le pluriel de malik, avec une kasra sous le lam, et c'est le roi, malik, roi. لا مالك إلا الله هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه La malika ilallah, nul ne possède ou nul n'est roi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une réfutation à l'encontre de ceux qui commettent cela en se mettant comme associé à Allah dans ce qui fait partie des spécificités d'Allah azza wa jal. Alors l'expression qu'on a dit tout à l'heure, shahan shah, hein, comme Soufiane l'a cité comme exemple, il a dit shahan shah, comme les gens qui disent shahan shah. Il a dit huwa ibaratun عند العجم عن ملك الأملاك وهذا تمثيل لا حصر. Soufiane, quand il a cité ça, il a cité un exemple en fait de ce que certains non-arabes disent dans ce cadre de formules similaires, si vous voulez. Shahan shah, c'est une expression que les non-arabes utilisent pour dire, ou certains non-arabes pour dire, le roi des rois. Shahan shah. D'ailleurs, le mot shah, peut-être que vous connaissez, comme on dit souvent, on entend le shah d'Iran, hein, le shah d'Iran, etc. C'est-à-dire le roi d'Iran, si je ne me trompe pas. Donc ceci est un exemple et n'est pas exhaustif. Il a cité à ça à titre d'exemple, mais pas, il n'y a pas que ça, quoi. Il y en a d'autres, mais c'est un exemple parmi les choses qui sont dites. وفي رواية أي لمسلم في صحيحه, c'est-à-dire chez Muslim dans son authentique, أغيض رجل الغيظ مثل الغضب والبغض, أي أنه يكون مغيظا إلى الله عز وجل. أغيض رجل, le plus détesté des hommes, الغيظ, c'est comme la colère et la haine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْعَدُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَخْبَثُهُ أي أَبْطَلُهُ أي أن يكون خبيثا عند الله عز وجل مغضوبا عليه. وَأَخْبَثُهُ est le plus mauvais. C'est-à-dire qu'il est le plus mauvais auprès d'Allah عز وجل et celui sur lequel Allah est le plus en colère subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن أوضع الناس عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى كملك الملوك, لأن هذا فيه مضاهاة لله عز وجل, وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله عز وجل, فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده. Le sens général du hadith, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le plus méprisable des hommes auprès d'Allah le trio est celui qui se nomme par un nom qui comprend un sens de glorification et de magnificence qui ne sied qu'à Allah azza wa jal, comme le roi des rois, car il y a en cela le fait de se mettre à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet cela prétend au sujet de sa propre personne ou quelqu'un d'autre que lui prétend pour lui qu'il est un semblable alors à Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison que celui qui se nomme par de tels noms fait partie des gens les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala et les plus mauvais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith al-bab. Maintenant, quel est le rapport entre ce hadith qu'on a cité et le chapitre qu'on est en train d'étudier ici sur le fait de s'appeler par ou de se donner ce genre de titre ou se donner ce genre de nom? Eh bien, أنه يدل على التحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه قياسا على التحريم التسمي بملك الملوك الواردي ذمه والتحذير منه. Parce que peut-être quelqu'un, ou peut-être quelqu'un parmi vous ici, s'est posé la question. Parce qu'on a dit quoi dans le chapitre? On a dit le fait que c'est interdit de dire قاضي القضاة. Et puis dans le hadith, il ne dit pas قاضي القضاة. C'est vrai ou pas? Vous êtes peut-être posé la question, non? Mais Cheikh, il explique cela. Il dit, le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique le caractère illicite de se donner pour titre le juge des juges et autres titres similaires, et ce par analogie, ce qu'on appelle un qiyas. Ici, on parle du qiyas mu'tabar, c'est un qiyas légiféré, comme expliqué par les gens de science. Quant au caractère illicite de se donner pour titre le roi des rois, au sujet duquel le blâme et la mise en garde ont été rapportés. C'est-à-dire que, par analogie, ici le texte il est clair, Malik al-Amlak, hein, le roi des rois ou le possesseur des possesseurs, et donc par analogie, tout ce qui est similaire à ce genre d'appellation, à ce genre de titre. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan tahrimu tasammi biqad al-qudat wa nahwi. Le caractère illicite de se donner pour titre, le juge des juges ou autre titre similaire. Thaniyan wujub ihtirami asma'illah ta'ala. L'obligation de respecter les noms d'Allah, le trio subhanahu wa ta'ala. ثالثا الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. L'incitation à l'humilité, à la modestie et à choisir les noms qui conviennent aux créatures, qui leur sont adéquats, ainsi que les surnoms qui leur sont conformes. On rentre dans le dernier chapitre pour aujourd'hui, inshallah. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. Vous voyez qu'il y a une corrélation entre le chapitre qu'on vient de voir et celui qui suit. Et ça fait partie de la bonne articulation de Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab rahimahullah dans son livre. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: chapitre sur le respect des noms d'Allah, le Très-Haut, et le changement d'un nom en raison de cela. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez l'akhlaq الرفيعه du prophète صلى الله عليه وسلم. Regardez le haut comportement du prophète صلى الله عليه وسلم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قلت فأنت أبو شريح راه أبو داود وغيره. Là après Abu Shurayh, qu'Allah l'agré, qu'il avait comme kunya Abu al-Hakam. Il avait comme kunya Abu al-Hakam. Le prophète s'en lui dit alors: al-Hakam, le juge, c'est Allah. Et à lui revient le jugement. À lui seul revient le jugement. Abu Shurayh, qu'est-ce qu'il a dit? Évidemment, à ce moment-là, il ne s'appelait pas encore Abu Shurayh. C'est après. Mais Abu Shurayh, lorsque mon peuple divergeait sur une affaire, il venait me voir et juger entre eux. Et les deux parties étaient satisfaites de mon jugement. Ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, quelle bonne chose que celle-ci. Quelle bonne chose que celle-ci. As-tu des enfants? Abu Shurayh, il dit, je dis alors, Shurayh, Muslim et Abdullah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, quel est le plus âgé d'entre eux? Il dit, c'est-à-dire Abu Shurayh qui parle ici, je dis Shurayh. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu es donc Abu Shurayh. C'est-à-dire qu'il lui a choisi une kunya pour lui, rapportée par Abu Daoud et d'autres. Qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ce passage, ce chapitre? Il dit: مناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد ان احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم من اجل ذلك من تحقيق التوحيد. Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité dans lequel ce chapitre s'articule est que le respect des noms d'Allah le Très-Haut et changer un nom en raison de cela font partie de la réalisation et de la concrétisation du tawhid, de l'unicité. Biographie ici, Abu Shurayh, qui est Abu Shurayh, ce noble compagnon? Ismuhu Hani. Hani ibn Yazid al-Kindi. Hein, ce n'est pas le Canadien ici, attention. Hein. Al-Kindi. صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 68 هجرية رضي الله عنه. Qui est Abu Shurayh? Son nom c'est Hani ibn Yazid al-Kindi, un noble compagnon qui habita al-Kufa et mourut à Médine en l'an 68 de l'Hégire, qu'Allah l'agré. Maintenant les mots de vocabulaire: احترام أسماء الله et تعظيمها واحترامه رعاء واحترمه أي رعاء حرمته وهابه. احترام أسماء الله, le respect des noms d'Allah, c'est-à-dire les vénérer, respecter. احترمه, quand on dit ça, c'est prendre en considération sa sacralité et le craindre. تغيير الاسم, تغيير الاسم, وتغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه. Le changement du nom, c'est-à-dire le modifier et le changer, le remplacer par un autre, comme le prophète sallam l'a fait ici. Min ajli dalik, ay li ajli ihtirami asma'illah. En raison de cela, c'est-à-dire en raison du respect des noms d'Allah azza wa jalla. Yukanna al-kunya ma suddira bi abin aw um. Quand on entend le mot kunya, on ne parle pas de surnom ici, on parle du fait de dire Abu un tel ou un tel ou une telle. C'est ça qu'on appelle kunya. C'est-à-dire que la kunya, c'est ce qui débute par Abu ou Abu Abdurrahman ou Abu Abdillah ou Abdillah, etc. Suleyman, etc. Al-Hakam, min asma'illah ta'ala, wa ma'nahu al-Hakim alladhi idha hakama la yuraddu hukmuh. Al-Hakam, le juge. Cela fait partie des noms d'Allah. Ici, il faut comprendre qu'on parle de perfection quand on touche aux noms attributs d'Allah Azza wa Jal. Fait partie des noms, donc on peut dire par exemple le juge parfait si vous voulez. Fait partie des noms d'Allah le Très-Haut, son sens est le juge qui, lorsqu'il juge son jugement, n'est pas rejeté. Wa ilayhi al-hukmu, ay al-faslu bayna al-ibad fi ad-dunya wal-akhirah. Et à lui, c'est-à-dire à Allah Azza wa Jal, revient le jugement uniquement, c'est-à-dire de juger entre les serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. إن قومي إلى آخره، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية وإنما كناني بها قومي. أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية وإنما كناني بها قومي. C'est-à-dire je ne me suis pas donné cette kunya, mais c'est mon peuple qui me l'a donné. ما أحسن هذا أي الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحري العدل. Regardez, subhanallah, faut analyser et un peu interagir avec les textes. Hein, que ces textes, ce ne sont pas que des textes qu'on lit comme ça et qui. Il faut interagir dans le sens, il faut les comprendre, analyser en fonction des paroles des ulama, bien sûr. Et puis, il faut que ça nous touche. Il faut qu'on ait une interaction aussi dans les. Que ces textes, on ait un tafa'ul, comme ils disent les mashayikh. On ait une interaction avec ces textes. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez quel manhaj, quelle méthodologie, subhanallah. Il lui a dit, ma ahsana hada. Quelle bonne chose que celle-ci. À quoi il fait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est-à-dire de réconcilier les gens entre eux. Parce que Abu Shurah, il lui a expliqué la raison pour laquelle les gens l'appelaient. C'est pas lui qui a choisi ça. Les gens l'appelaient comme ça pour une raison, c'est que c'était quelqu'un qui était connu que quand les gens se disputaient, ils aimaient bien aller chez lui et le juger. Et les gens, alhamdoulilah, ils étaient satisfaits de son jugement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle bonne chose que celle-ci. Mais la préservation du tawhid et le reste. Donc il a trouvé que c'était une bonne chose. Hein? Cet acte de réconcilier les gens et de juger, et qu'alhamdoulilah les gens sont satisfaits du jugement, etc. De faire l'islah bain al-nas. Mais le janib al-tawhid il reste, qui doit être défendu. Il a dit, Abu al-Hakam ne peut pas s'appeler comme ça. Parce que le Hakam c'est Allah Azza wa Jalla, et il lui a montré la voie vers quoi? Vers le fait de changer ce qui n'est pas autorisé vers ce qui est autorisé. Et il lui a dit, il lui a montré, il lui a dit combien tu as d'enfants, quel est le plus âgé, etc. Jusqu'à ce qu'il lui dit, alors tu es Abu Shurayh. Regardez la méthodologie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc il dit, c'est-à-dire de réconcilier les gens entre eux et juger entre eux avec équité et de tout faire pour être juste. Il lui a dit, quelle bonne chose que celle-ci. Ma ahsana hada. Fa anta Abu Shurayh. كنه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك. دوك فأنت أبو شريح tu es donc Abu Shurayh, il lui a donné la kunya رعاية, en prenant soin, en faisant attention, car le plus âgé, en fonction du plus âgé, car il est plus en droit de cela. Regardez l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette méthodologie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé pour que nous on la suive. المعنى الإجمالي للحديث, quel est le sens général de ce hadith? استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم لأن الحكم من أسماء الله وأسماء الله يجيب احترامها فبين له الصحابي سبب هذه التكنية وأنه كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم بس كده ما أحسن هذا فاستحسن لعب خوفي صلى الله عليه وسلم فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون التكنية ولذلك غيرها فكنه بأكبر أولاده. Le sens général de ce hadith, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a réprouvé que ce compagnon soit appelé Abu al-Hakam, car al-Hakam fait partie des noms d'Allah. Il est obligatoire de respecter les noms d'Allah Azza wa Jal. Le compagnon lui a donc expliqué la raison de cette kunya, et c'est qu'il réconciliait les gens de son peuple et résolvait leurs problèmes en donnant des solutions qui satisfaisaient les parties en dispute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cette action sans la kunya. Et c'est pour cette raison qu'il la changea et lui donna une kunya sur base du nom de son enfant le plus âgé. Munasabat al-hadith al-bab, quel est le rapport entre ce hadith et le chapitre? Annahu yadullu ala al-man'i min ihanati asma'illahi bitasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassati bih wa at-takanni bi dhalik. Le rapport entre ce hadith et le chapitre est qu'il indique l'interdiction de manquer de respect envers les noms d'Allah Azza wa Jal en se donnant des noms qui sont les siens et qui lui sont spécifiques et de les prendre comme kunya. Ma yustafadu min al-hadith. Awwalan fi tahrim imtihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu 'adam ihtiramiha ka takanni bi abi al-hakam wa nahwihi. On va terminer là-dessus sur ces points-là inshallah. Donc le premier, c'est le caractère illicite de manquer de respect au nom d'Allah le Très-Haut et l'interdiction de ce qui peut avoir l'air d'un manque de respect envers ses noms, comme le fait de prendre comme kunya Abu al-Hakam et autres kuna, c'est le pluriel de kunya, kuna, similaire. Deuxième enseignement, an al-hakama min asma'illahi ta'ala. Al-hakam fait partie des noms d'Allah le Très-Haut. Thalitan, jawazu al-sulh wa al-tahakum ila man yasluhu lil-qada wa in lam yakun qadiyan wa annahu yalzamu hukmuh. Eh bien, c'est la permission de réconcilier les gens entre eux et d'aller demander le jugement, at-tahakum, de ceux qui sont aptes à juger, et ce même s'ils ne sont pas des juges. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si même si ce n'est pas un juge dans un tribunal, il y a des gens qui sont, alhamdoulilah, sont aptes à juger, et qui, alhamdoulilah, c'est autorisé d'aller leur demander jugement pour réconcilier les gens, etc. Et que leur jugement a force d'obligation. Comme par exemple, un exemple concret qu'on a tous en tête, c'est les ulama. Sauf que la différence entre le qadi et l'alim, c'est que le mufti, c'est que le qadi, il a quwat l'ilzam. C'est-à-dire que le juge, il a la force de forcer les gens à suivre son jugement. Parce qu'il a les autorités, il a l'autorité, il a toute si vous voulez, la branche armée, si vous voulez, ou bien la main de la police. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il a la force d'obliger que ça se fasse. C'est ça la différence entre un juge et un mufti. Quand le juge dit qadi, khalas, ça doit être comme ça et pas autrement. Il a la force d'obliger que ça se passe comme ça. On était au quatrième. Et bien, le quatrième enseignement, c'est Anahu yukanna ar-rajul bi akbari bani. C'est que la kunya est donnée à l'homme en fonction de son enfant le plus âgé. Cinquièmement, mashru'iyatu taqdim al-kabir. Le caractère légiféré de donner préséance au plus âgé. Sadisan, mashru'iyatu taghyir al-ismi ghayr al-munasib ila ism al-munasib. Le caractère légiféré de changer le nom qui n'est pas adéquat ou n'est pas correct en le remplaçant par un nom qui est adéquat et correct. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Un peu plus d'une demi-heure, c'est ce que je pensais. Donc le chapitre prochain, inchallah, c'est babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah azza wa jalla aw al-Qur'an aw ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.